never stop. I get on it all night long, like next spot till we drop. I get on it all night long, like. We all know you need a freak like me. why and they say that you fit the profile. Run for your life. Resist. When they knock down your door and say that they are taking your land in the name of eminent domain, this is not fair. Resist. When they pit a people against the people and a nation against a nation in the name of world domination, resist. Is this night just a window to my mind? It feels like a dream, but it is real life. It's a place that only exists inside a song. It's just a temptation, sweet temptation. And all my life and fears will fade away.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien voilà, fin de cette première émission enregistrée, première fois que je ne suis pas en live, donc fin de ce son de l'underground. Donc cette émission sera diffusée, donc nous sommes là le 26 mars, hein. Il est 20h, donc fini avec le son de l'underground, on va pouvoir passer à la playlist sûrement. Il me reste à vous dire de passer une bonne semaine, surtout... de faire attention à vous pendant ce confinement. En tout cas, je vais essayer de rentrer du son. Quoi vous dire encore une fois, ce que vous avez écouté, c'était le Good Vibes. Le Good Vibes, c'est tout ce que je vais passer là. On passe un petit peu du hip-hop, de la new disco, de la new tech house. La tech house, on passe un peu... Voilà, la techno, on finit avec quelque chose d'un peu enjoué. Ça, c'est quelque chose, un calibre qui pourrait passer largement dans les établissements cet été. Donc, bon entendeur, salut. Si vous voulez un Good Vibes en direct de votre établissement sur une plage ou quoi l'après-midi, voilà, vous contactez Radio Méditerranée Var, le son de l'underground, Fred Cominatia. En attendant, juste un petit mot, juste pour vous rappeler, le Sutronic, hein, 27-28 juin, on y bosse là tout de suite, ça va pas tarder. Donc encore 3 mois, je pense qu'on sera à l'abri de tous ces problèmes à ce moment-là, et on aura vraiment envie de venir sur ce terrain fabuleux, écouter du très bon son avec une puissance et une clarté impeccable, un jeu de lumière féerique, des écrans, un site avec de quoi se restaurer, de quoi passer vraiment un bon week-end. Mais bon, on va vous communiquer ça petit à petit. Il y aura une page sur Facebook. Je vous indiquerai ça. En attendant, je vous laisse avec la playlist. Allez, bonne soirée à vous.